Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de ce journal. En voici les titres. La suppression des disparités de pension pour les éléments de force et de défense nécessite plus de 13 milliards de nos francs. Vous entendrez le secrétaire général porte-parole du gouvernement pour plus de détails dans cette édition. Et deux familles et des batois qui ont été chassés dans la province Gouloury réclament des propriétés foncières. Et ce dimanche, finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Sénégal à 21h. Un match qui sera retransmis sur les ondes de la radio Isanganiro. Voilà pour l'essentiel et bienvenue pour les détails. Elika Dogo est à la manette du son. Moïse Misago suit à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, plus de 13 milliards 700 millions est le montant nécessaire pour supprimer les disparités de pension pour les éléments de force et de défense et de sécurité. C'est le contenu de la note que le ministre en charge des Affaires sociales a présentée au Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Prosper Nawgwami, secrétaire général de l'État et porte-parole, précise que ces disparités s'observent entre les ex-forces armées burundaises et ex-partis et mouvements armés. Suivez Prosper Nawgwami, secrétaire général et porte-parole de l'État. La création de la Force de défense nationale du Burundi et de la Police nationale du Burundi en 2004 par l'intégration au sein de ces deux corps d'éléments qui n'étaient pas entièrement couverts par la sécurité sociale a eu comme conséquence une différence de traitement en matière de pension de vieillesse entre les différentes composantes selon leur provenance. En vue de supprimer ces disparités, des commissions ont été créées pour faire les calculs nécessaires en prenant pour référence comme assiette de cotisation les salaires du personnel de grade équivalent dans les ex-forces armées burundaises. Pour ce faire, en échantillon par grade, âge, année de recrutement pour les cadres officiers, sous-officiers et hommes de rang a été élaboré. À partir de cet échantillon, les services de l'INSS ont effectué des relevés des rémunérations à partir des listings des rémunérations en vue de trouver l'assiette des cotisations applicables à chaque cas. Ces rémunérations sont assises sur un plafond des rémunérations qui a évolué dans le temps. Les cotisations en pension ont été calculées jusqu'au 31 décembre 2004, qui correspond à la dernière date avant qu'ils ne soient couverts par le régime de sécurité sociale géré par l'INSS. Pour les ex-PMPA, issus du mouvement FNEL, leur couverture en pension a commencé le 1er janvier 2009, date de leur intégration dans les forces de défense et de sécurité. Les calculs effectués ont abouti à un total de cotisations pour la FDN et la PNB équivalent à 13 764 820 402 francs bouts. À l'issue du débat, le Conseil a recommandé ce qui suit. Il faut bien faire les calculs nécessaires afin que le dossier suive le circuit nécessaire. Il faut que l'État fasse en sorte que ces montants soient rapidement payés pour que les ayants droit soient traités équitablement. C'était Prosper Nawgwami, secrétaire général et porte-parole de l'État. La direction de l'industrie Form Industry Exim dit être menacée par les eaux usées qui se déversent dans la rue passant devant cette usine. Frida Turimuchi rejette les accusations de certains des commerçants vendeurs des objets métalliques derrière le marché de Rouvumera à Buyenzi qui estiment que ces eaux proviennent de cette usine. Elle souhaite que les concernés cherchent le passage de ces eaux. Suivez Frida Turimuchi. Les eaux usées qui envahissent la rue du Phare ne viennent pas de notre société. Nous sommes aussi victimes autant que les autres et nous aimerions demander aux personnes qui ont la capacité de nous aider de pouvoir le faire parce que je trouve que ça peut causer beaucoup d'ennuis. Nous aimerions demander que les personnes d'habilité puissent venir et nous pourrons leur montrer et ils pourront constater que ce qui a été dit n'est pas vrai. Les eaux ne proviennent pas de notre entreprise et nous aimerions aussi que les personnes habilités puissent nous venir en aide parce qu'on a beaucoup de problèmes dans les saisons, surtout pendant la saison des pluies parce que même nos clients ne peuvent pas se rendre à l'usine parce qu'il y a beaucoup de flaques d'eau et qui sont assez importantes pour que les voitures puissent passer. Donc c'est pour ça que nous aimerions d'abord rectifier ce qui a été dit et puis demander aux personnes habilitées de pouvoir nous aider à trouver une solution. On a essayé en tant que groupe, en tant que les personnes qui travaillent sur cette rue, mais nous nous sommes dépassés par l'ampleur du travail. Poursuivons cette édition. Des élus du peuple ont des inquiétudes des sanctions prévues dans le projet de loi de prévention de lutte contre la cybercriminalité adopté par l'Assemblée nationale ce vendredi. Ce projet de loi adopté prévoit une amende allant de 2 à 10 millions à celui qui se rendra coupable de la cybercriminalité. Le ministre de l'Intérieur prévoit des sensibilisations à l'endroit de la population sur la mise en application de ce projet de loi une fois adopté. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Certains députés ont soulevé leurs inquiétudes sur les sanctions prévues dans ce projet de loi. Ils ont demandé tout d'abord qu'il faut organiser des sensibilisations des populations pour plus d'éclaircissement sur ce projet de loi sur la cybercriminalité. Nous ne sommes pas avancés dans ce domaine de télécommunication, ce qui m'a beaucoup inquiété et je me demande si ça ne serait pas bon d'organiser les sensibilisations à la population pour qu'elle sache bien ce qu'il faut si elle a commis une faute comme un message ou une vidéo envoyée involontairement. Le ministre Gervain Ndirakobucha a répondu que ce serait bon de mettre en place la loi et que les campagnes de sensibilisation suivent. C'est un défi, mais la sensibilisation sera importante après la mise en place de cette loi. C'est dans la vulgarisation de cette loi que la population sera mise au courant des sanctions prévues en cas de faute. Je voudrais tranquilliser les honorables députés que ces sanctions ne seront pas appliquées au Burundi, car la majorité de ces personnes arrêtées qui font des coûts de plus de 150 millions sont en majorité des étrangers. Ce ne sont pas les Burundais. Honorable Gwasa Agato a voulu savoir si ce projet de loi s'est référé aux autres lois et protocoles adoptés dans la communauté est-africaine. Le ministre Gervain Ndirakobucha, ayant la sécurité dans ses attributions, a répondu qu'il se réfère tout d'abord au protocole des pays membres de la communauté et après il les réadapte aux lois burundaises. Après analyse de ce projet de loi, les élus du peuple l'ont adopté à l'unanimité. À 13h03, poursuivons cette édition. Deux familles Batwa composées de 12 personnes ayant trouvé refuge sur la colline Gikana, Guamaoui, en commune Rutovu, après être chassées de la commune et province Bururi, demandent d'être dotées d'une propriété foncière. Ils disent que certains parmi les membres de la famille d'accueil exigent qu'ils soient chassés et ne savent pas où ils pourraient encore être abrités. Josette Ndaikeza, administrateur communal de Rutovu, dit que des démarches sont en cours pour que ces Batwa de Gikana, Guamaoui et ceux qui habitaient déjà cette commune trouvent abri, n'est-ce pas Jean-Pierre Misago? Minani Bernard, un de ces Batwa temporairement hébergé chez un habitant de Gikana Guamaoui, dit que le mieux serait d'avoir une propriété propre à eux. Il indique que cela lui permettrait d'être sédentaire et ne plus vivre dans la vassalité, alors qu'il a encore de la force pour travailler et nourrir sa famille, qui serait du coup à l'abri de tremper dans le vol avec le risque que d'y laisser la vie. Josette Ndaikeza, administrateur communal de Rutovu, dit être au courant de la situation de ces Batwa nouvellement installés à Gikana Guamaoui. Elle informe qu'ils sont venus s'ajouter à d'autres familles Batwa de cette commune pour lesquelles la commune, en collaboration avec le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, cherche à trouver des abris après leur identification en cours. Sans préciser le nombre d'années qui viennent de s'écouler, qu'ils sont arrivés en commune Rutovu, ces Batwa de Gikana Guamaoui disent être chassés d'Ongendo en commune Bururi voisine de Rutovu, où ils vivaient également dans la vassalité selon leurs propos. Jean-Pierre Misago, depuis Rutovu, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le gouverneur de la province Karoussi demande l'adhésion inclusive dans les coopératives de tous les habitants de cette province. Kalini Mbarushiman a expliqué que les coopératives font promotion de l'unité et qu'elles sont à la base d'un développement durable. À l'occasion de la fête de l'unité nationale ce samedi, le gouverneur Kalini Mbarushiman a déploré le comportement de certains responsables de ces coopératives Sangwe qui interdisent à certains habitants d'adhérer à ces coopératives qui sont financées par le gouvernement Blaise Pascal Kararoumie. C'est déplorable qu'on observe encore dans la province Karoussi certains habitants qui n'ont pas encore adhéré dans les coopératives. Tels sont les propos du gouverneur de la province. Et cette autorité administrative explique que les coopératives permettent la promotion et le développement de l'unité et que le travail en coopérative permet un développement durable et harmonieux. Kalini Mbarushiman l'a dit ce samedi dans son allocution lors des cérémonies de la commémoration de la charte de l'unité nationale de ce 5 février. Il a saisi cette occasion pour expliquer à la population les bienfaits des coopératives pour le développement de la population tout entière, signalant que certains habitants qui refusent d'adhérer dans ces coopératives restent en arrière dans le développement et que des fois ces habitants viennent handicaper le pas franchi par les autres. De la même occasion, le gouverneur a déploré qu'il y a des responsables de certaines des coopératives trouvées dans les collines, épinglant les coopératives Sangwe, qui refusent l'adhésion à certaines personnes pour des raisons non encore connues. Il demande à toutes les personnes qui se sentiraient victimes de rapprocher pour que des mesures soient prises à l'encontre de telles personnes. C'est de là qu'il signale que ces coopératives Sangwe sont financées par le gouvernement sur toutes les collines, et qu'elles sont destinées à tous les habitants de la colline, sans exception aucune. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumie pour Radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous à Muyinga, où des problèmes qui minent les familles, comme la pauvreté, la séparation ou la mort des parents, font fuir les enfants qui préfèrent mener une vie de clochard au centre urbain de Muyinga. Le gouverneur Jean-Claude Baroutkwanayo demande aux parents d'assumer leurs responsabilités et pourvoir aux besoins des enfants, y compris ceux des autres Pierre Claver Barundi. La pauvreté des ménages, la mort ou la séparation des parents sont les causes majeures de l'exode rural des enfants qui préfèrent devenir des clochards au centre urbain de Muyinga. Olivier est venu de Kizi, en commune Gasogwe. Sa famille était trop pauvre pour lui trouver à manger. Moi, c'est parce que ma famille était pauvre que j'ai décidé de venir à Muyinga. Ndaishimie est un autre enfant. Il est venu de Kibuburu, en commune et province Kirundo. Après la mort de son père, sa mère a décidé de se remarier, le laissant seul à la maison. Mon père est mort et maman s'est remariée avec un notre homme. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester à la maison tout seul. Jean de Dieu, il a choboyé. Quant à lui, est victime de la séparation de ses parents. Son père s'est remarié et la belle-mère l'a maltraité. Ma mère et mon père se sont séparés et je suis resté à la maison. Papa s'est remarié et sa femme m'a maltraité. C'est pourquoi je suis venu rester ici. Le gouverneur Jean-Claude Bartwanayo, en visite en commune Muyinga mercredi, a demandé au maire de remplacement d'avoir pitié des enfants. Vous les femmes, ayez pitié. Je connais beaucoup d'enfants qui sont dans la rue parce qu'après la mort de leur mère, leur belle-mère les ont maltraités. C'est interdit de maltraiter les enfants car on ne peut pas deviner leur avenir. Ils peuvent vous être plus utiles que vos propres enfants. Le gouverneur Bartwanayo précise que la rue n'engendre pas d'enfants et que par conséquent, les parents doivent assumer leurs responsabilités en pourvoyant aux besoins des enfants, y compris leur scolarité. La place des enfants n'est pas dans la rue, mais à l'école, a-t-il conclu. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Barundi. Et pour boucler cette édition, c'est ce dimanche que le match de la finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2022 va avoir lieu. Le Sénégal va croiser le fer avec l'Égypte à 21h à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pays hôte de la CAN 2021. Qui d'ailleurs a décroché ce samedi la troisième place de cette dernière après avoir battu dans les tirs au but le Burkina Faso. Un choc entre les Lions sénégalais de Sadio Mané et les Pharaons d'Égypte de Mohamed Salah à suivre dans la retransmission en direct sur nos ondes. Et voilà,